Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. Fable de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. À Monseigneur le Dauphin. Je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Illustre rejeton d'un prince aimé des cieux, sur qui le monde entier a maintenant les yeux, et qui, faisant fléchir les plus superbes têtes, comptera désormais ses jours par ses conquêtes, quelque autre te dira d'une plus forte voix les faits de tes aïeux et les vertus des rois. Je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer en ces vers de légères peintures, et si de t'agréer je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Fin de À Monseigneur le Dauphin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. Fable de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 1. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous autant chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise ?»« Vous chantiez, j'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant !» Fin de la fable 1. La cigale et la fourmi. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. Fable de La Fontaine, livre premier. De Jean de La Fontaine. Fable 2. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur du corbeau! Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Fin de la fable 2. Le corbeau et le renard. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. Fable de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 3. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc? Point du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point? La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. » Fin de la fable 3. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Ceci est un enregistrement LibriVox.

Eux venus, le lion par ses ongles compta et dit « Nous sommes quatre à partager la proie. » Puis en ôtant de part, le cerf il dépeça, prit pour lui la première en qualité de sire. « Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle lion. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. » Fin de la fable numéro 6. La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Claire Gauger. Fable de La Fontaine, livre premier de Jean de La Fontaine. Fable 7. La besace. Jupiter dit un jour « Que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur, je mettrai remède à la chose. Venez, singe, parlez le premier, et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait ? « Moi, dit-il, pourquoi non ? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres ? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché, mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. » L'ours, venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut, de sa forme il se loua très fort, glossa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, Dame Baleine était trop grosse. Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya, s'étant censurés tous, du reste content d'eux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils, et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain, le fabricateur souverain. Nous créa, besaciers, tout de même manière. Tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui, il fit pour nos défauts la poche de derrière, et celle de devant pour les défauts d'autrui. Fin de la fable 7, La besace. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Cain Sauvage. Fable de La Fontaine. Livre premier de Jean de La Fontaine. Fable 8. L'hirondelle et les petits oiseaux. Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages, et devant qu'ils ne fussent clos, les annonçait aux matelots. Il arriva qu'autant que les chanvres se sèment, elle vit en maintenant en couvrir maints sillons. « Ceci ne me plaît pas, dit-elle au oisillon. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui, par les airs, chemine? Un jour viendra, qui n'est pas loin. Qu'est-ce qu'elle repense sera votre ruine? De là naîtront un gens à vous envelopper et lasser pour vous attraper. Enfin, mainte à mainte machine qui causera dans la saison votre mort ou votre prison. Gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient aux champs trop de quoi. Quand la chenvière fut verte, l'hirondelle leur dit, arrachez brin à brin ce qu'a produit ce mauvais grain, ou soyez sûrs de votre perte. Prophète de malheur, babillard, dit-on, de bel emploi que tu nous donnes. Il nous faudrait 1000 personnes pour éplucher tout ce canton. » La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta, « Ceci ne va pas bien. Mauvais grain est tout revenu. Mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte, et qu'à leur blé, les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre. Quand réjonglés tes réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez au logis ou changez de climat, imitez le canard, la grue ou la bécasse, mais vous n'êtes pas en état de passer, comme nous, les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous enfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, là de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusement que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres. Mon oisillon se vit esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu. » Fin de la fable 8. L'hirondelle et les petits oiseaux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les fables de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 9. Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire, rase en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre rôt. » « C'est assez, dit le rustique. « Demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. » Fin de la fable numéro 9. Le rat de ville et le rat des champs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Claire Goget. Fable de La Fontaine, livre premier de Jean de La Fontaine. Fable 10. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint un jeune qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. » « Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. « Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau. « Je tâte encore ma mère. « Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. « Je n'en ai point. « C'est donc quelqu'un des tiens. « Car vous me n'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. « On me l'a dit, il faut que je me venge. « Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. » Fin de la fable 10. Le loup et l'agneau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Cain Sauvage. Fable de La Fontaine. Livre premier de Jean de La Fontaine. Fable 11. L'homme et son image. Pour Monsieur le Duc de La Rochefoucauld.

Fable 14. Simonide préservé par les dieux. On ne peut trop louer trois sortes de personnes. Les dieux, sa maîtresse et son roi. Malherbe le disait, j'y souscris quant à moi, ce sont maximes toujours bonnes. La louange chatouille et gagne les esprits. Les faveurs d'une belle en sont souvent le prix. Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payé. Simonide avait entrepris l'éloge d'un athlète, et la chose essayée, il trouva son sujet plein de récits tout nus. Les parents de l'athlète étaient gens inconnus. Son père, un bon bourgeois, lui, sans autre mérite. Matière infertile et petite. Le poète d'abord parla de son héros. Après en avoir dit ce qu'il en pouvait dire, il se jette à côté, se met sur le propos de Castor et Pollux, ne manque pas d'écrire. Que leur exemple était aux lutteurs glorieux, élève leur combat, spécifiant les lieux où ses frères s'étaient signalés davantage. Enfin, l'éloge de ces dieux faisait les deux tiers de l'ouvrage. L'athlète avait promis d'en payer un talent, mais quand il le vit, le galant n'en donna que le tiers et dit fort franchement que Castor et Pollux acquittassent le reste. Faites-vous contenter par ce couple céleste. Je vous veux traiter cependant. Venez souper chez moi, nous ferons bonne vie. Les convives sont gens choisis, mes parents, mes meilleurs amis. Soyez donc de la compagnie. Simonide promit, peut-être qu'il eut peur de perdre outre son dû le gré de sa louange. Il vient, l'on festine, l'on mange, chacun étant en belle humeur. Un domestique accourt, l'avertit qu'à la porte, deux hommes demandaient à le voir promptement. Il sort de table, et la cohorte n'en perd pas un seul coup de dent. Ces deux hommes étaient les gémeaux de l'éloge. Tous deux lui rendent grâce, et pour prix de ses vers, ils l'avertissent qu'il déloge, et que cette maison va tomber à l'envers. La prédiction en fut vraie, un pilier manque et le plafond, ne trouvant plus rien qu'il était, tombe sur le festin, brise plats et flacons. N'en fait pas moins aux échassons. Ce ne fut pas le pire, car pour rendre complète la vengeance due au poète, une poutre cassa les jambes de l'athlète et renvoya les convives pour la plupart estropiés. La renommée eut soin de publier l'affaire. Chacun cria miracle, on doubla le salaire que méritaient les vers d'un homme aimé des dieux. Il n'était fils de bonne mère qui les payant à qui mieux pour ses ancêtres n'en fit faire. Je reviens à mon texte et dis premièrement qu'on ne saurait manquer de louer largement les dieux et leurs pareils, de plus que Melpomène, souvent sans déroger trafic de sa peine. Enfin qu'on doit tenir notre art en quelque prix. Les grands se font honneur dès lors qu'ils nous font grâce. Jadis l'Olympe et le Parnasse étaient frères et bons amis. Fin de la fable 14. Simonide préservé par les dieux. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Enregistré par Christina Chu. Fable de La Fontaine, livre premier de Jean de La Fontaine. Fable 15, La mort et le malheureux. Un malheureux appelé tous les jours, la mort à son secours. Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle. Viens vite, viens finir ma fortune cruelle. La mort crut, en venant, l'obliger en effet. Elle frappe à sa porte, et entre, et se montre. Que vois-je? Cria-t-il. Ôtez-moi cet objet. Qu'il est hideux, que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi. N'approchez pas, ô mort, ô mort, lui dit-il. Mais Sénat fut un galant homme, et l'a dit quelque part. Comme un homme important, coup de jade, goûteux, manchant. Pour vous consomme, je vive, c'est assez, je suis plus que content. Ne viens jamais au mort, entendis tout autant. Fin de la fable 15, la mort et le malheureux. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Enregistré par Christina Chu. Fable de La Fontaine, livre premier de Jean de La Fontaine. Fable 16, La mort et le boucheron. Un pauvre boucheron, tout couvert de ramée, sous la feuille du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé mâché à pas besant, et tâché de gagner sa chemine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, et met bas son fagot et songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Elle appelle la mort et vient sans tarder. Lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guéri, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Fin de la fable 16, La mort et le boucheron. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Enregistré par Karen Sauvage. Fable de La Fontaine. Livre premier de Jean de La Fontaine. Fable 17. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Un homme de moyen âge, étirant sur le grisson, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du comptant et partant de quoi choisir. Tout voulait lui plaire. En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant. Bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part. L'une encore verte et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment de sa part emportait un peu du poil noir qui restait afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux, et se douta du tour. « Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles, qui m'avez si bien tendu. J'ai plus gagné que perdu, car dis même point de nouvelles. Celle que je prendrai voudrait qu'à sa façon je vécusse, et non à la mienne. Il n'est tête chauve qui tienne. Je vous suis obligée, belle, de la leçon. » Fin de la fable 17. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les fables de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 18. Le renard et la cigogne. compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut la paix le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait de l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du sire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. « Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. » Fin de la fable numéro 18. Le renard et la cigogne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Suzanne Denet. Fable de la Fontaine, livre premier de Jean de la Fontaine, fable 19. L'enfant et le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain sceau la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouvât, dont le branchage, après Dieu, le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours ! Je péris !» Le magistère, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave à contre-temps s'avise de le tancy. Ah, le petit babouin, voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise, et puis prenez de tels fripons le soin, que les parents sont malheureux qu'il faille toujours veiller à semblable canaille, qu'ils ont de maux, et que je plains leur sort. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant, se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Hé, mon ami, tire-moi du danger. Tu feras après ta harangue. Fin de la fable 19. L'enfant et le maître d'école. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris. Fable de la Fontaine, livre premier de Jean de la Fontaine. Fable 20. Le coq et la perle. Un jour, un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. « Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mil serait bien mieux mon affaire. » Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. « Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. » Fin de la fable numéro 20. le coq et la perle. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. Fable de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 21. Les frelons et les mouches à miel. À l'œuvre, on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel sans maître se trouvèrent. Des frelons les réclamèrent. Des abeilles s'opposant, devant certaines guêpes, on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons, des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, de couleur fort tannée, et tels que les abeilles avaient longtemps paru. Mais quoi? Dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles? La guêpe, ne sachant que dire à ses raisons, fit enquête nouvelle, et pour plus de lumière entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci. « De grâce, à quoi bon tout ceci ? » dit une abeille fort prudente. « Depuis tantôt 6 mois que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela, le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte. N'a-t-il point assez léché l'ours ? » Sans tant de contredits et d'interlocutoires, et de fratas et de grimoires, travaillons, les frelons et nous, on verra qui sait faire avec un suc si doux des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir, et la guêpe adjugea le miel à leur partie. Plut à Dieu qu'on régla ainsi tous les procès, que des Turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code, il ne faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge. On nous mine par des longueurs. On fait tant à la fin que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. Fin de la fable 21. Les frelons et les mouches à miel. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. Fable de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 22. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau. Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aiguillon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables, je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Fin de la fable 22. Le chêne et le roseau. Fin des fables de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine.